Eh eh. Yes, on va sortir les voitures du concessionnaire, mon pote. Cisa. Je rappe à l'ancienne comme une Renault 19. J'arrondis les fins de moi dans une Clio 2. Je peux faire un go fast avec une C3. J'arrache le bitume dans un R32. Rodéo AK dans une Forfesta. Casse de magasin en coffre GTI. Prise dans sa derrière, y'a la Mondeo. Adrénaline comme dans un 645i. Choix du Audi S3 ou RS3. Multiplie par deux, ça te donne un RS6. Elle veut poser son cul dans le Mercovez. Elle ira sucer dans la Peugeot 206. SY, SA. J'arrive en sous-zoom comme une Tesla. Bugatti Veyron, c'est mon destin. Tu go avec l'OVNI, j'ai le RSA. Audi RS4, Clio RSI. Y'a plus de frein à main, c'est la merde ici. Qui au Pacara, y'a pas de Subaru. Deux, trois têtes cramées, gantées dans le VR6. Italien, brava, Alfa Romeo. Monte au passage et t'inquiète, on y va. Contrôle routier quand je passe à la douane. J'ai pas de permis, mais t'inquiète, demain ça ira. Demain ça ira. Demain ça ira. Demain ça ira. J'ai pas voulu blaguer, que des rimes en kilo. Que des têtes cramées sur le béton armé. T'es fait les charclés, donne-moi juste un go. C'est la pseudo Mike là. Apprécié par le patron d'équipe pour des sous, c'est la panique à bord. Gros fils de pute, t'as aidé les ports. La vie, mais ça revend la mort. Trois filtrés dans la feuille, votre carusse dans le verre. J'suis pété, il est même pas 10h. J'mets ma haine sur la feuille, j'fais des sous tant qu'à faire. Mais le game, je l'ai dans le viseur. J'ai la tactique, vas-y, t'inquiète, j'tartine sur le rinté. J'vois qu'il tapine, mais c'est pas grave, j'pratique le rap magique de ma ville. Mais là, en veille, là, c'est Marseille. Tu dis la rue, mais tu peux te cacher. Tu parles de bœuf, tu es tout en sous-caché. Pas de buzz, mais tu peux nous clasher. Je sais, on te croise, on va devoir t'attacher. J'te promets que j'ai la haine, envie de tout arracher. Y'a des talents, tous ces morts que la street a gâché. Ce qui paraît, j'faisais du rap conscient. Mais le sac amène du rap sur ma mère, j'vais y arracher. Très organisé. Check, check. Sale poc. Check. Sale, sale, sale. Sale poc. Sale poc. Sale, sale. Hein? Ça prend la coque. Hi. FAH, écoute ça. Sale poc. FAHAL. FAHAL. Homme de l'ombre avant-gardiste. Toujours au front dans la partie. Dans la zone, rien n'est facile. Ça va à la moire et c'est basique. On veut des tableaux de Picasso. Pas finir comme Pablo, pris d'assaut. On veut le magot quitter la zone. Sur un bateau loin de l'Hexagone. Dans le bloc, y'a du Poutine. De la Jack D et du Gucci. C'est à l'époque du Pookie. On prend des potes et tout petit. Bolide, police, confinement, Covid. Profil, hostile, accélère, c'est à l'époque. Sale, sale, sale. Le véhicule décale sur signal. Si tu parles trop, on t'encule avec le J dans le secteur. Réel, zéro acteur. Y'a des braqueurs et des carteurs. J'vais pas te le rapper si je le fais avec le cœur. C'est du micro, c'est B18. De verre, tu pars en cuite. Trois baffes, tu pars en balle. Braquage vocal dans leur grand-mère. Ils vont taille à balle. C'est du TP, c'est Baby Boy. J'ai dû quitter l'école. Maintenant, faut qu'on décolle. Attends, je te décale. Ouais, ouais, attends, je te décale. L'histoire est banale, j'fais répé replay. Numéro 9, plus tard comme Harry Kane. J'suis à Marseille, j'fais pas l'américain. Ça tombe des bouteilles et pas que les week-ends. Gros moteur, pas qu'une trace. Un ventador devant le vélodrome. Y'a du GT, y'a de la cesse. Oui. En avant, nous y'a pas mort d'homme. J'pète ma galo, va plus bas que ma Ferragamo. Si on veut ta peau, mental Pietro Sabatano. J'pète ma galo, va plus bas que ma Ferragamo. Y'a des gens bizarres en moto bizarre. Des gens se collent pour la somme dans le bizarre. Moteur puissant dans la zone où je vise. C'est moi-même mon pire ennemi. Et tout qui sert, tout le monde qui sert. Un petit chahag à la grandie sous la visière. Un chien par terre et d'autres sous ibrac. Je valide des sons, j'élimine. Alcoolisé, viens pas me les briser. J'ai trop teasé, j'ai envie de pisser. Wesh, c'est visé, labellisé. R sans R d'un guisé. Pour encaisser, ouais, faut miser. C'est difficile, mais faut maîtriser. Localiser, j'suis dans la fusée. La tamiser, faut rentabiliser. Et les pertes minimiser. Frappe des visées, oh, faut viser. Je parle avec un aigle, tu vois moins l'ouvrir le canon dans la bouche. Couteau, couteau, flaque de sang dans la douche. J'lève le SP de travers dans la courbe. J'ai fumé la bœuf de tour quand elle te couche. Crypto-monnaie, j'ai surveillé la courbe. Dans les recettes, tu le crabes dans la bouche. J'ai tout fait bluffer au charbon, je te couche. Un peu rouge, je vais frotter la parfaite. La violente, toi tu la caresses. La violente, toi tu la caresses. Là, le boule à Maria Carré. C'est bon, je suis dans le carré. On va me rémunérer. J'ai des chocs, elle s'est enterrée. J'ai un val sur la calante. Elle a vu les vues, donc elle s'allonge. Pas d'hôtel, je l'amène au calante. Elle est collante. Elle est pas venant, pas fait le boulot. Je vais passer par Libé. poisson sous ballon, ça tourne dans la ville. Si son manager avait brûlé le feu, Tupac serait encore en ville. Sors un fusil, y'a personne qui branche. Si la tronche, ça va pas s'arranger. Tu bloques tout le monde, un pétard, tu branches. Sans permis, carbone 45 AMG. Ça quitte l'école pour la gratte. Pour le monstre, trop agra. Ça se rafale pour le gras. Tors par terre, sang sur le drap. Le bras, sa tête, mais elle compte pas. C'est pas à moi, le sang, je laisse. Elle est passée avec son boule dans Los Angeles. Tu fais le parrain mais t'es pas solide apparemment. Y'a des armes dans le garage mais faut pas faire pleurer maman bro. Et l'équipe y tourne. Dans la tête c'est ouais qui tourne. Qui tourne. C'est nu sur la moto. Sur l'énergie j'ai fumé qui tourne. Ça veut une déesse. Au corps chevet jusqu'au fesses. Ça fait quoi d'avoir plus de dents. Le temps passe, le temps presse, j'suis dans la caisse. J'roule la moula, j'suis dans la tête. Un conseil, j'te fais des sous-tasses. Et ne dévoile pas la pièce. La cabeça pleine de doutes. Le corazon plein de douleur. Serre-moi un verre et mes doupes. Des guichetas de toutes les couleurs. Sa tête, j'mets un contrat. Bras long comme anaconda. Et l'âme toujours dans le combat. Ouais, Alpha Omega. Salvatrucha, scoochamène. J'vais me les faire moi pour ta merde. Elle veut devenir ma mourelle. J'suis tombé love son bourrel. Filfin Joule, ambiance video, papi Joule. Si t'es un puto, va fan culo. Si t'es un puto, va fan culo. Qui ralentira ma vie, une putain d'aventura. Dans le bloc, ravitaille, on leur dira que du vrai, y'a personne qui mentira. Allez, fais péter, fais patiner. Petite danse avec la Valentina. Personne ne viendra t'opportuner. Vrai, vrai, le réveil est matinal. Mani, pourquoi t'as choisi Gina? Transax au parking de continent. Ça donne des goûts, fait divers des quartiers nord. Oh oh, j'ai donné la festina. Gigi, ton vrai bro, me parle pas en latino. Ils se reconnaissent, ma valeur inestimable. Marseille, c'est le bout de l'appareil. Fais le fric, t'es pas content, c'est pareil. Plus de règles, ils ont fumé le parrain. Plus de règles, ouais, j'ai fumé la barrette. Ça coupe mal, on s'est à la madrina. Faut faire le cash, pour payer les blédina. La presse, ouais, on a la maquina. DTR, comme ça va, c'est un outil. Je sors du trou noir avec des super pouvoirs là. Parler comme des putes, ouais. Mais les putes ça finit sur le trottoir. On sait que tu baisses ton fut, ouais. Pour la monnaie, les folles et la gloire. J'en reste pas ce succès en plus terre. On m'a envie d'attasser les billes. Pourquoi aussi c'est pour pas me faire la guerre. Sortir de son attention dans la guerre. Ça fait bien l'attache par le mur. Ça fait bien l'attache par le mur. Ça fait bien l'attache. J'ai le cœur brisé, car les potes on est briqués. Pas de maison de disque, toutes les portes je les ai criquées. Déjà ils m'en veulent, je les calcule pas alors que je suis friqué. Je dois me tailler, de vivre ici ça devient compliqué. J'ai pas tiré sur la bœuf, rien que la fumée elle m'a niqué. Frérot arrête de dire que c'est une folle aux gens si tu l'as pas niqué. Je crois au bon Dieu, pour ça que je tombe pas trop liqué. Briqué, j'suis pas du genre à polémiquer. Garde tes valeurs. Dans la vago, je suis sous flash tropico. Je suis de retour dans le game, KB9 à l'euro. Slash dans la vague et dans le Countach. Petit, tu manques de respect, mais sur la tête à Pépé, t'as même pas la moustache. SFR, SAUZ, c'est la bonne affaire. Envoie papier contre. tu chantes la musique. Avec Diego, regarde une fosse. Nous le rachetons en Suisse. Mais j'ai vu que c'était une fosse. Attention, tu chantes la musique. Attention, tu chantes la musique. Tu dis que tu l'as acheté en Suisse. Mais j'ai vu que c'était une fosse. Lui dit qu'il me connaît bien. Mais on s'est rencontrés hier. Je l'ai laissé tirer sur mon joint. Il me l'a rendu en cuillère. Il me fait la donna Ima. Sur la jupe, ça sent l'animal. Il t'a claqué devant ta femme. T'es rentré et elle t'a mis mal. DJ, laisse tourner. Que j'envoie la patate, j'envoie les émotions. Sur les trucs, je voulais rentrer doucement. Mais j'ai changé d'avis, prends ta respiration. Fais les noms, mais fais les dans la mêlée. Quand c'est moulant, je les connais. J'ai les idées, j'ai les filons, je vais tout niquer. Fais laisser déchaîner quand je suis peiné, ils sont pas là. Fais laisser déprimer quand j'ai pété de l'intabac. Mania, moi j'ai le maniement des mots. Pas de carrière, tu ne manies pas les flots. Pas de manies, de la mythomanie. C'est comme ton Imani, ça finit mal à la fin. Espèce de connard, on connaît. Hey. Château, c'est pas un lapin, c'est un CZ qui sort du chapeau. Ça sort du quartier, ça fait les saltos, ça fait remonter. Ouais, le ventoun, ça canne comme Tupac pour les piller. Les frères d'or mort, faut les griller. Tu zones normal, sous canon scié. Se frappe pas, hein, tu peux briller. Ça canne comme Tupac pour les piller. Les frères de la mort, faut les griller. Tu zones normal, sous canon scié. Se frappe pas, hein, tu peux briller. Quartier nord, ça pète. Quartier sud, ça pète. Centre-ville, ça pète. Tienne qu'un coup de fil. Boum. Tu te fais rafale dans la ruelle parce que t'as trop cru la vie, c'était un fil. Que du gros son, dans le gamme sous potion. Les humeurs sont brossants. Ça marche en équipe comme les marabuntas. Comme Franck Lucas. Comme dans Chotas. Comme Franck Lucas. cave, très organisé. Ça tire comme dans Hit, y'a les porte-clés, y'a les porte-couilles. 2021, y'a même des porte-bites. Guetta au corner, rentre dans le bloc, c'est la frappe sa mère. T'as les Vandoski, le coffre est plein. Ça pète les péages, ça pète en orfel. La mentale bosnie, et comme CR7, j'ai la recette. Je remonte la A7, en claquette chaussette. Ça fait des poussettes, ça sent aussi. Donc je prends la fille, Valentino Rossi et Edes. Et je m'endors sur du chef Esni. Nique ta mère, toi et ton verre de Sky. Ça perd au terrain, tu es sur le terrain. Même New York prend des rafales de balles. Tu contrôles de la poitrine. Ta résine, la cuisine, ça découpe, ça fait calme. T'es H, une magie, in. Charbonneur comme la G.I.I.N. Combattant comme la G.I.I.N. M.A.R.R.I. 2 L.E. Violent, méchant comme la V.I.I.N. Gros sur le terrain, que des titulaires indiscutables comme Benzema. Lié de toutes les couleurs, c'est pour mes pirates du bitume 46 Yamaha. La puce est cramée, le charbon est cramé. Y'a des tas qui peuvent d'un crier. Je reviens de loin de ce game, j'arrive à vie, je repartirai en Clio Bacara. Fais le tri de ce que j'ai gagné, de tout ce qu'on m'a pris. Le temps nous abîme, le temps nous empêche. Oui, mais le temps va nous guérir aussi. Des envies nocives vont plus près du stress. Je nous vois grandir et je me dis que le temps presse. Ouais, ouais, je me dis qu'il est temps qu'on se prenne vite en main. Plutôt plus mûr à toute vitesse. Le monde va vite, tu n'y pourras rien. Paumé, paumé comme un bon à rien. T'as raté ta chance sous la saisie en vol. Quand la peur t'a fait croire que tu ne valais rien. Imbécile, apprécie la vie pour les gens qu'on aimait qui sont morts. À l'abri de rien, ouais, même pas de nous-mêmes. Le cerveau en fumée, t'y a que des ennemis dehors. Cancun, Mexico, Acapulco, j'suis tranquille. Au cartel, y'a plus de cheat, c'est la coco, ça paye des tranquilles. Au réel, y'a pas de vice, c'est le vice. On a refait. Cancun, Mexico, Acapulco, j'suis tranquille. Au cartel, y'a plus de cheat, c'est la coco, ça paye des tranquilles. C'est réel, c'est de bise, c'est le vice. Une ruelle, un peu de vice, en une heure tu tapes salaire fixe. Marseille, le bridge. Voici la danse des misérables. La moins d'une pige. C'est sous Hamo comme Isera. Jackie, Dada, Sabat, Rapta, De Bang, le bridge. Le bridge, le bridge. Bow, bow. Quartier nord, quartier sud, centre-ville. On est là, le Zbiga, on est là. C'est ça, on est là. Le Zbiga. C'est qui fait bon, c'est qui, c'est qui suce. Arrache ta tête, on ne connaît pas le pouce. Un demi de blanche et la mer tu le pousses. Allez reste sur le deck. Passe-moi l'instru, je la casse. Jamais raconter de salade. Chez moi la fierté c'est la base. R2D2 m'a dit shoot tes enfoirés. On sort de l'ombre, on rentre pas dans vos soirées. Rapide, efficace, un peu comme Suarez. Pas de technique, ton flow il est foiré. Hein, tu fais des papas de nous. Viens faire un tour dans la zone. Zone, tu peux y voir des loups. Loup, on va te pétiner la tête au sol. Yes, pendant sa prière, on lâche rien, ouais c'est bon. J'écoute tout le monde, la plupart c'est des commis. À force de couper, tout sentez le vomi. Que Dieu me pardonne si j'insulte ton mort. Que des arroseurs et des arrosés. Avant de baiser le game, faut le caresser. Un pétard filtré, une gadi filtrée. Plus rien n'est naturel, il n'a rien de vrai. 72 heures de garde à vue, allez viché, gros, c'est pas des loins. Quel loin le bémol, ça fume dans les halls. Que des marioles, personne joue de rôle, y'a plus rien de drôle. Dans le four, y'a le produit, la qualité. Le 3 fois filtré, gros t'as qu'à goûter. On fera des sous même si c'est légalisé. On affronte tout, même à l'Odyssée. C'est les hommes bambins. C'est les hommes bambins. C'est les hommes bambins. C'est les hommes bambins. Très organisé, tout pour tout niquer. Très organisé, là pour tout niquer. Très organisé, niquer. Très organisé. Le H.A. Bam bam bam. Souci rock pêche. Red Bull Myrtille, grande force à tromper l'empeine. Tout s'arrange petit à petit. Souci rock pêche. Red Bull Myrtille, grande force à tromper l'empeine. Tout s'arrange petit à petit. Odyssey, je suis dans la gobe. Mikhail Kalashnikov. Non automatico, sous diplomatico. C'est l'era général posé sous le capot. J'écoute le ralop ni le capot. Balle d'un verre de Kalashnikov, Draco. La frappe à coup de marteau, chaud du bateau. J'prends un jet-tri, j'chute les vagues, j'ai même plus les nerfs. J'jure dans le thème, fils de pute. Chaque jour, tu fais un vice de plus. Dans l'homme, c'est petit couteau, nique les poutos. C'est téléphone, trois phoniques. RSQ8, délit de fuite. Kilo dans le corps, pute, en grande de suite. On dirait un kiwi de 2QI, mais t'as plein bonne donne son cul de suite. J'ai démarré, chalak, ça dure. Même mon GP, j'étais mature. Que tu penses, sont dans la ture. Pour elle, qu'on a soin de pas de point suture. J'ai pas de jet privé, j'roule la bloc. Kilo de papier dans le coach en bœuf. Pour te mettre bien, c'est comme partout. Si c'est ton body, toi qui te l'avance la bœuf. Il te l'avance la bœuf. Il te l'avance la bœuf. Ça s'arrête jamais, Marseille, c'est trop organisé. Ça s'arrête jamais, Marseille, très organisé. Ça s'arrête jamais, Marseille, très organisé. Ça s'arrête jamais, Marseille, très organisé. Le thé, ça s'arrête jamais. Marseille, très organisé. Ça s'arrête jamais, Marseille, très organisé. Ça s'arrête jamais, Marseille, très organisé. Ça s'arrête jamais, c'est parti là. Prêt d'envoyer un couplet. Tu veux encore un couplet? Encore un couplet, allez, encore un couplet. Encore un couplet, allez. Il est offert le couplet. Il est offert. Il est offert. Mais moi je vais faire quoi? Vas-y, vas-y. Y'a pas de fumée sans feu, y'a pas de fumette sans shit. Ici y'a rien sans rien, on recule pas pour ces schmitts. Nique les schmettas et les frères qui te truquent. Ici c'est un chicarba, peu pas les couilles de ton fric. Là j'parle pour l'État qui veut nous voir travailler. 1400 le mois ça suffit plus, faut bien s'assumer. Sinon tu vis plus, déjà que t'es plus humain. C'est ça la vie du bitume, l'État on va les fumer. On se fume des calumets, nous on est calme, on se bat les droits, je t'allumais. Là c'est rien sans rien, demain ça ira. Nique sa mère, demain ça ira. J'pars en impro, là y'a Fred qui est chaud. Nique sa mère mais c'est mort, demain ça ira. Ah, ah. Demain soir à côté de moi.